الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله عز وجل في كتاب الكريم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans notre livre, Allah Azza wa Jal dit des hommes dont le négoce, le commerce, la vente ne les distrait pas du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la salat, de s'acquitter de la zakat. Ils ont peur d'un jour lors duquel les cœurs ainsi que les regards seront bouleversés. Allah les rétribuera en bien, en mieux que ce qu'ils ont accompli, et leur ajoutera de sa grâce, et Allah accorde sa subsistance à qui il veut, sans rendre de compte. فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قَدْ بَيَّنَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَوْصَافِ مَنْ يُسَمَّى بِالرَّجُلِ بِرُجُلَ أَتَمَّ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne un descriptif des hommes qui, en réalité, sont parés des vrais qualificatifs, on dira, de la, ce qu'on appelle la virilité, ce qu'est un vrai homme. Car souvent, on a tendance de dire, les gens disent, un tel c'est un bonhomme, un tel c'est un ceci, c'est un cela. Et quand on regarde sur quoi on se base pour apporter ce qualificatif, ce n'est pas forcément conformité avec ce qu'Allah Azza wa Jal dit lui à propos des hommes. Qui sont-ils ? وَمِنْ أَوْصَفْ هَاُولَاهِ رِجَالٍ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ. Ce sont des hommes qui ne sont pas distraits par le négoce, par le commerce, de ce qui leur incombe en religion. وَتَنَبَّهُ لِيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ذَكَرَ أَشْيَاءَ مُبَاحَةً بَلْ قَدْ يَكُنْ لِنْسَنْ يَحْتَجِ إِلَيْهَا. Ce qui est cité dans ce verset sont des choses qui sont permises, des choses dont on a besoin, c'est-à-dire les causes par lesquelles l'homme prend sa subsistance, le commerce, le négoce. Allah Azza wa Jalla n'a pas cité des choses muharrama, des choses qui sont permises et voire même mustahabba, des asbab, kawniya, des causes, on va dire universelles pour obtenir le risque, le commerce. Et malgré cela, ces hommes ne sont pas distraits par ces choses-là alors qu'ils en ont besoin. An dhikrillah wa iqami salah wa ita'i zakat. Ils ne sont pas distraits de l'évocation d'Allah Azza wa Jal, ni de la salat, et ni de s'acquitter de la zakat. Et dhikrullah da shay am yashmal ma yalihi min dhikr min salah wa zakat wa ghayr dhalika. Cette évocation, c'est une chose qui est générale, dedans rentre ce qui est obligatoire et dedans rentre ce qui est recommandé. Ça peut être le zikr, am, al-ma'ruf, al-tasbih, wa takbir, wa al-zalika. Et ça peut être la salat, elle rentre dedans dans le zikr. Toute ibadah rentre dans le zikr. C'est-à-dire, kullu shay fi waqti. Chaque chose a son temps. Lorsque le wajib shari'i vient, ces hommes s'en acquittent. Yani tijara à la jam. Le négoce à la jam. Comme a dit ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Vous qui avez cru que vos biens ainsi que vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. Et ceux qui font cela, ce sont ceux-là les perdants. الأموال طيب هنا الله عز وجل ما قيدها بأموال محرمة أو مباحة. أموال. De ce verset, il n'y a pas de condition que ce soit de l'argent halal ou haram. C'est amwal. Fanabqal al-asl, anaw mubaha. Wa, ça veut dire que la base dans ces biens, ici, dans le verset, comme dans l'autre verset cité, sont des choses qui sont permises. Ben, amwal, on en a besoin. On a besoin de biens pour pouvoir vivre. D'accord ? Le kazalik, awlaidukum. Vous voyez, les awlaid, les enfants. Car à la base, l'islam appelle à ce qu'on fasse perdurer la race humaine. Donc des enfants, il faut en avoir. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il souhaiterait être le prophète qui aura le plus de suiveurs le yom al-qiyamah. Donc notre religion incite à ce qu'on ait beaucoup de descendance. Et malgré cela, il ne faut pas que ces choses-là nous distraient du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui font cela, ce sont eux les perdants. Et on répète dans ce verset, Allah Azza wa Jal ne parle pas de choses interdites, il parle de choses permises, même de choses qui sont recommandées. Avoir des biens, faire le halal et avoir des enfants. Et malgré tout, ma wal muqaddam, zikrullah. Ce qui est prioritaire à ces choses-là sont le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui s'en détournent, ce sont eux qui seront les perdants. Qal yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Ils craignent un jour, c'est-à-dire ces hommes, ils ont peur d'un jour lors duquel les cœurs et les regards seront bouleversés. Fal-khawf shay yani yuhmad alayhi idha kana fi mawdi'i. La peur que beaucoup de gens considèrent comme étant un défaut, justement ce qui joue, ce qu'ils appellent ça un bonhomme, ceux qui a peur de rien d'après eux, eh ben ces hommes-là, ils ont peur. De quoi ils ont peur? De ce jour. Ce jour où ils seront jugés et rendront compte de tout ce qu'ils ont fait. Kullu kabirin wa sarir. Tout sera exposé yawm al-qiyamah. Wa hadha raddun ala man yaqul yaz'um annahum yuhibbun Allah 'azza wa jalla li dhatihi wa la li jannatihi wa la li la khawfan min narihi. Et cela, ça réfute des gens qui prétendent et qui nous reprochent d'aimer Allah par intérêt. Dites-vous, vous aimez Allah pour son paradis, par peur de son feu, alors que nous, on l'aime pour lui-même. Ala kol batil. Ce verset, et bien d'autres le démontrent. Fahimt ? Wadou rabbakum khawfan wa tama'a. Obel, wadou rabbakum khawfan wa tama'a. Nasit al-aya. Innaou le hublou mu'tadin. Et qu'il faut invoquer notre Seigneur par convoitise et par peur, et qu'il n'aime pas les outranciers. Wa'adha min tariqat al-anbiya, c'était parmi la voix des prophètes, d'aimer Allah déjà pour lui-même, tout à fait, mais également de vouloir son Jannah, et d'avoir peur de son feu. Donc l'homme, haqiqatan, yakhaf min dhalik, il a peur de ce jour. Wa qala azza wa jal, liyajzihumullahu ahsana ma amilu, wa lizidahum min fadali. Que Allah azza wa jal, ces hommes, qui ne sont pas distraits du rappel et qui ont peur de ce jour, Allah Azza wa Jal va les récompenser en plus de ce qu'ils ont accompli et qui va leur rejeter de sa grâce. Wa qala fi akhir al-ayat asliyatan lahum, pour justement avoir délaissé ces choses-là pour le rappel, il dit bien qu'Allah Azza wa Jal, il octroie sa subsistance à qui il veut sans compte. C'est-à-dire tu n'as pas à avoir peur qu'en arrêtant ces choses qui te sont permises ou qui te sont un besoin, pour le rappel, tu n'as pas de perte, tu ne seras pas privé. Il n'y a aucune perte pour toi. Et qu'Allah Azza wa Jal va te rajouter de sa grâce. Et qui va t'octroyer ta subsistance sans même que cela te soit, on va dire, qu'on puisse le compter. Après, ce n'est pas tout le monde qui a la basira de voir c'est quoi le risque et la grâce d'Allah Azza wa Jal qui est sur lui, comme on a parlé la dernière fois. Des fois, ça vient et la personne ne se rend même pas compte que c'est là. Et ils pensent que ce risque ou cette grâce, c'est forcément dans un commerce fructif ou autre. Pas forcément. Il se peut que, en ce que cette chose que tu as entreprise et qui ne te rapporte pas ce que tu imaginais, qu'Allah t'a évité un mal, tu ne sais même pas. Tu aurais pu être maftoun par cette chose-là et changer par la suite. Et ça, c'est de sa grâce. Il t'a épargné. Et de son risque qui peut venir par d'autres abouab. Et Allah te donne ce qu'il te faut. Pas ce que tu veux. Mais ce qu'il te faut. هذا هو الأهم. فما أحب أن أطول عليكم في هذا المقام. Pas envie de trop rajouter. Le temps est devenu assez court entre la salat et entre le maghrib et l'isha. فصل نكتفي بهذا القدر. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.